Voici en une heure quasiment l'intégralité de la plus longue et de la plus célèbre des digressions que Denis Diderot s'est autorisé dans Jacques le Fataliste, publié en 1773. Digression que je vous avais annoncée dans mon précédent enregistrement. Choix des textes enregistrement, Jean-Paul Alexis, septembre 2018.